Je vois un soleil dans mon ciel. C'est toi, mon étoile éternelle. Un rayon jaillit dans ma vie. La voici, c'est un cadeau bien petit, mais elle est à toi tout entière. Devant nous, le bonheur.